Campus, il est 20h. Ça y est, la lumière est rouge, ça veut dire qu'on peut commencer à s'éclater dans les micros, trop bien, c'est Radio Campus 106,6 qui vous présente Pyongyang City Rockers numéro 405, avec ce soir autour de la table Jamo. Bonjour. Comment allez-vous? Il va ça bien, va je pense. Bien, ouais. Gaël. T'as cormité, ouais. Ouais. T'as cormité couleur irlandaise, là. Ah bah toujours. Hein. Ouais. Il y a Henri aussi. Salut, ça va? Vous allez bien? Ça va, super, bon. Merci. Il y a Célia qui a pris les manettes d'autorité ce soir, ouais. Je me suis fait jeter. Bah ouais, ça y est. Tu faisais trop de pain, là. Je rigole, j'en fais aussi. Mais pourtant, je t'ai appris à en faire, je sais pas bah pourquoi ouais. Tu en fais moins que moi. C'est parce que je suis moins souvent là. Mais Zig, c'est Stéphane, et ce soir, nous avons deux invités, Mina et Liven, qui font partie de l'équipe de l'excellent festival RLBquois Ratrock. Bonsoir. Bonsoir. Ah bah voilà. En plus, les micros fonctionnent, c'est fou. On est vernis ce soir. On va les interviewer tout à l'heure par rapport à la 22e édition de leur festival. C'est ça, c'est la 22e ? C'est la 23. 23e, merde, j'ai raté. qui aura lieu ce samedi. Ça sera d'ici quelques minutes, hein, mais pour l'instant, on commence l'émission. C'est marrant, il y a de plus en plus de gens qui meurent. Et donc, je dis c'est marrant. Bon, bref, on commence l'émission avec un petit RIP, un RIP, comme dirait notre Gaël, à qui je dis bien bonsoir à distance. RIP à Thomas Lindbergh, alias Tompa, qui a joué dans plein de groupes, dont le plus connu, à ce qui paraît, At the Gates, mais c'est plus du death. Hein, ça. Ouais, ouais. Alors que moi je m'étais arrêté à Huit System comme on dit en suédois, et donc cet homme quand même il est mort pas vieux, hein, 52 berges. Ce qui nous reste, ça serait c'est la trace sur ses enregistrements. On va pouvoir écouter tout de suite. Moi ce que je préfère c'est ses prestations vocales sur ce titre de Huit System, le système de merde. C'est Magtansmura Razar, les murs du pouvoir s'effondre. C'est beau et c'est pas mal comme épitaphe. We'll be right back. Ouais, ça fait mal, hein. Ah ouais, ça barre. Je me rappelle quand, première fois que j'avais entendu un truc de Shit System, je m'étais pris une baffe dans la gueule parce que bon, c'était extrêmement brutal pour l'époque. C'était en 94 ou 95, je sais plus. Enfin bref. Mmh. Voilà. Salut. Enfin, RIP, mec, Tom. Ouais. Franchement. Eh ben écoute, moi, en ces heures de mouvement social, comme on dit, je me suis dit que passer un titre de Discharge sorti sur leur EP Fight Back, c'était un plutôt bon choix. Ouais. Donc je me permets une petite présentation au cas où, quand même, voilà, parce que j'aime bien. Discharge, moi, donc groupe anglais de punk hardcore, c'est les darons du D-beat, comme on dit. Mais c'est pas du D-beat, attention. Alors ça existe depuis 77, mais honnêtement, les débuts anarcho-punk, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est en 80 que sortent les EP Realities of War et Fight Back. Et justement, on va passer un morceau de l'EP Fight Back, le morceau You Take Part in Creating the System. Alors faites votre choix, hein, entre un keuf de plus ou être du bon côté des barricades, You Take Part in Creating the System. Dis donc. You should know that I'm just kidding. You're the only one that I'm just kidding. You're the one looking at us. Let them know your fears. This is the time you have to gain. You ask me why I'm fighting the system, why I'm preaching anarchy. Fighting for freedom, fighting for the rights of production. You're a man. This is the time you have to play. This is the time you have to play. Voilà, ça y est, on discute et puis on en est pris par le temps. Ça va beaucoup trop vite, ces trucs de discharge. Il y a Jamo qui voulait passer un truc. Puis après ça, on passe à nos invités, ouais, parce que là, quand même, ils sont en train de se demander mais qu'est-ce qu'ils racontent, tous ces cons, là. Moi, je retourne à Belfast. Encore. Ouais, encore. Junsu, encore. C'est Burn the Flag, c'est sorti en décembre 2019. C'est vieux, c'était avant le Covid, tu rigoles ou quoi? Ouais, bon, c'est oui. Vieux, ouais. Et alors, green is for the grass, white is for the paper, et voilà, c'est dans le titre, je vous laisse écouter. Et orange ça. Orange, ben, vous allez le découvrir. Ah, d'accord. Clovers, no, I smoke a whole fucking bowl of blow. Just cold, the lyrical flows uphold us. Green, white, and gold, you've sold us. See, the green is the weed, white is the paper, the gold is the color of the sun on a blazer. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbors, they know I'm a different flavors. And I haven't been pissed in ages. A rapper just spill a big split and blaze it by. A slim blue skin and a flip mode to blaze up and get high. I like to burn my big green flag with a nice white riz and a golden glow at the end of the split. Oh, yes, fill up another one and take two hits. Then get up and pass that box of boxes, biscuits, cause I'm hungry. And I'm ready to eat, and no, none could come. The big drum and say they better to beat. No, not one could come. Understand that when they come, they run. They don't want to ramp a boot with Big John, or they might just catch a big boot and they bomb. Rum, pom, pom, pom, the elephant man, and I'm stomping on, chomping on. I'm confident that I burn the flag and I conquer on. Cause the green is the weed, white is the paper, the gold is the color of the zip and a blazer. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbors, they know I'm a different flavors. Green is the weed, white is the paper, the gold is the color of the zip and a blazer. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbors, they know I'm a different. And the white is the paper, and the gold is the color of the zup and a blazer. I'm a full blown blazer, bye. See, the green is the weed, and the white is the paper. Gold is the color of the zup and a blazer. I'm a full blown blazer. Smoke weed all day to relieve the stress, but it never leaves me. I'm still stuck in a rut. The only difference is that I'm blipped as fuck, and the green leaves. I need weed to proceed with my writing, or at least that's what the weed. light tells me to believe. Am I right when I'm lying? It's up in the middle of the night. I'm burning the flag tonight, yo, I'm lighting it. And fuck the law, cause I'm fighting it. I'm not liking all they got shite, and this went on too long, so I'm writing it. I'm coming ashore on my bike and ship, you best know. Take a couple of draws when I light my skillet and it glow. I burn the flag every time I smoke, cause the green is the weed, white is the paper, the gold is the color of the soap when a blazer. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbors, they know I'm a different flavors. Green is the weed, white is the paper, gold is the color of the soap when a blazer. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbors, they know I'm a different flavors. Green is the weed and the white is the paper, and the gold is the color of the soap when a blazer. I'm a full blown blazer. Bye. See, the green is the weed and the white is the paper, gold is the color of the soap when a blazer. I'm a full blown blazer. Been blazing weed since I was a kid. I was licking off keys when I was 16. It's the way that I lived. Blazing zoots, writing tracks and licking off boards. That's all that I did. Fuck school, no rules. I was blazing zoots in the classrooms with my headphones on and my own world blasting tunes. And any motherfucker wanna test getting blasted too, cause I'll boot your door, don't smash your gaff up, rob your weed, you'll get jacked up. I'll burn your flag, what, jack your plants and then burn your plant pots. Yeah, fat what? These are lessons and you need to learn them. I'll teach you the colours of the flag as I burn them. Green is the weed, white is the paper, gold is the colour of the soap when I blaze. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbours, they know I'm a different flavours. Green is the weed and the white is the paper, and the gold is the colour of the soap when I blaze. I'm a full blown blazer. Bye. See, the green is the weed and the white is the paper, gold is the colour of the soap when I blaze. I'm a full blown blazer. Ask all my neighbours, they know I'm a different flavours. Green is the weed and the white is the paper, and the gold is the colour of the soot when I blaze. I'm a full blown blazer. Smoke a dope, burn the flag every day of the morning, you know. You know what? Bon, on a trouvé ce qu'il disait pour l'orange. L'orange, c'est la manière d'allumer le truc. Ah ouais, le truc qu'on peut pas dire à l'antenne parce que sinon on va se faire rouspéter. D'accord. Ok. Eh bien, nous continuerons ces aventures irlandaises, voire 10 bits, voire autre chose tout à l'heure. Pour l'instant, voici venu le temps. Il est 20h13, donc on peut déjà dire que vous êtes sur Campus 106,6, DAB+, Canal 7C et ouais, campuslille.com. C'est Pyongyang City Rockers numéro 405 qui accueille ce soir Liven et Mina, deux représentants de l'organisation du Rat Rock Festival à Rahlbeck. Donc, bah, rebonjour, rebonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va. Vous avez trouvé facilement ? Oui. C'est pas loin pour nous, c'est 25 kilomètres. Ouais. Et donc ouais. Par contre, je me suis aperçu d'un truc, c'est quand même il y a beaucoup de gens en France qui, enfin en France même à Lille, qui est pas vraiment en France. c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas du tout Rahlbeck ni d'ailleurs le Rat Rock, alors que ça fait longtemps que le festival existe. Vous faites de la pub en France ou pas, ou enfin comment ça se passe ? Cette année, c'était la première fois qu'on a fait du pub. À Lille et tout ça. D'accord. Donc vous avez fait des belles, des beaux flyers là. C'est bien, c'est du papier glacé, c'est magnifique. C'est un festival qui existe donc depuis 23 ans. Tu m'as repris tout à l'heure. C'est déjà 23 ans, mais on a aperçu que la région nord de la France nord, qu'il y a beaucoup de spectateurs qui viennent d'ici. Ouais. Ah oui, ça oui. Bah, tu sais, il y a quand même beaucoup de Français qui vont déjà rien qu'au PITS, Courtrai. Le PITS, oui. On fait toujours Ypres, au Wartenwies. Et donc, ce festival a connu différentes formes. Et cette année encore, il change de forme par rapport, même rien que par rapport à l'année dernière. L'année dernière, il y avait deux scènes. Cette année, il n'y en a qu'une. Et puis, c'est revenu apparemment. Attends, c'est comment vous avez écrit ça ? Back to basics, ouais. Pourquoi ? Allez, vas-y, vous pouvez parler. Ouais, on a démarré il y a 23 ans avec une seule scène. Et après, ça a grandi. On a ajouté une deuxième scène en dehors. Et on a changé de l'emplacement pour plus de monde. On a eu 3000, 4000 spectateurs il y a 10 ans. Ah, quand même. C'est beau. Ouais. Mais pour des raisons de travaux de route et tout ça, on a dû déplacer quelques années. Et on est revenu il y a 3 ans sur notre site originel. D'accord, juste à côté du canal, là. Ouais, ça va. Et l'année dernière, c'était la dernière fois qu'on était là. Et maintenant, c'est plus petit, parce qu'on doit regarder l'aspect financier aussi. Hein. C'est un festival gratuit. Je n'ai pas encore dit. Mais... Donc pour tout organiser, ça devient de plus en plus difficile pour l'aspect financier. Comment vous faites donc c'est un festival gratuit, il a toujours été gratuit. Oui. Ouais. Des fois, vous organisez, votre organisation organise d'autres concerts dans le courant de l'année, ou alors des soirées pour qui elles sont payantes ou pas? Non. Non, jamais. On a des choses payantes, on n'a jamais fait. D'accord. Mais oui, ça c'est. Mais vous avez des gros, il y a des gros groupes quand même. Rien que cette année, il y a Kids, Varrockers, Rose of Avalanche. C'est des gens qui se déplacent pas pour gratuit. Non, vous non. Devez les payer. Il faut le payer. Oui. Ouais. Alors comment vous faites? Vous avez des subventions de la ville de Harelbeek? Nous sommes tous volontaires. Ouais. Et nous recevons un petit peu de subsides. Subsides, oui. Oui. Et autrement, c'est travailler pour nous-mêmes. De temps en temps, nous pouvons aider à un autre festival et on reçoit de l'argent. Ah, et puis, d'accord. Nous le mettons donc. Dans le Ratrock. Et donc vous faites une cagnotte pour pouvoir. Et donc les locaux, donc c'est toujours un festival en plein air avec un chapiteau, une scène sous chapiteau. Donc cette année, ça va être où exactement? On va le dire tout de suite hein, et on le répétera. Au parc. Maintenant, c'est au parc de la ville, comment on dit? Stadspark. Oui, Stadspark. C'est tout près de la gare. Mmh, donc d'accord. En fait, ce n'est que 500 mètres de notre site originel. Mais c'est loin, vraiment dans... C'est très loin, c'est un déménagement affreux. Ouais. Donc en fait, on va mettre des flèches pour des gens qui connaissent. Ouais. Mais maintenant, c'est totalement dans le parc, et avec un seul stage... dans le chapiteau. Une seule scène, ouais. D'accord. Mais c'est, en fait, cet aspect-là, c'est plus grand, mais la site, en total, c'est plus petite. Ok, mais il y a quand même de quoi accueillir plusieurs centaines de personnes, peut-être sans problème, plus de 1000 personnes sont... Ok. Ouais. J'ai déjà annoncé quelques têtes d'affiche. On entrera après ça dans le détail de la programmation, mais pour l'instant, on va peut-être passer le groupe, un des premiers groupes punk belges, qui existe encore, s'étaient séparés et qui se sont remis ensemble il y a quand même un paquet d'années. C'est Kids qu'on va pouvoir écouter maintenant avec un de leurs vieux titres, The City is Dead. Ça date de 78, je crois. Allez, tu peux envoyer. Tu l'as? Non? C'est bon, je l'ai. Saturday night, I don't know where to go. Cinderella's glow. Elle a déjà tout coupé, elle. C'était The Kids avec City is Dead, que nous pourrons retrouver en version actualisée et en tête d'affiche. C'est la tête d'affiche de cette année. Au Rat Rock numéro 23. Alors, la particularité, on ne l'a pas encore abordé, particularité de ce Back to Basics Rat Rock, c'est qu'il y a d'un côté quatre groupes confirmés. Qui sont les têtes d'affiche, donc Kids, Varrockers, Rose of Avalanche et Unwanted Tattoo, Joey's Unwanted Tattoo. Et sinon, il y a 6 ou 8 autres groupes, je ne sais plus. 6 autres groupes. Ouais. Pour un stage contest, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Allez, explique. Bah, ils m'ont dit que... Alors ça peut être un des deux, Liven ou Mina, vous pouvez parler à tour de rôle. On s'appelle un crochet, comme tu m'as dit. Oui. Et oui, il y a 6 groupes qui jouent pour 20 minutes et il y a un jury qui va dire qui est le gagnant et puis ils peuvent jouer l'année prochaine à Rat Rock. Comme des vedettes. L'an prochain. Ah, oui. D'accord. Et alors, on peut dire les noms des groupes. Vas-y, dis-les, parce que moi, je ne les ai pas sous les yeux, là. Ouais, on a 6 groupes qu'on veut supporter pour avoir de stage time chez nous, à un prochain événement de nous. Il y en a un groupe français, les Bisounours Fokker. Ah, voilà, avec Olive. Ouais. groupe de Ypres de Nicti Revolt, Super Dragon Punch, Practical Joke de Wargem, Seal Slayer et l'autre Super 8 Degrés sont les noms de ces groupes. Ouais, et tout ça, c'est des groupes punk ou alors il y a des différences de style Il y a des différences de style, mais c'est tout alternatif. C'est pas. C'est du Rat Rock style. Rat Rock style, d'accord. Ouais. Donc, ouais, bah, de toute façon, là, moi, j'ai eu le temps quand même de trouver un titre de Seal Slayer à passer. Et puis, sinon, bon, on pourra en retrouver d'autres, j'espère. De toute façon, là, il y a. Il y a Célia qui est en train de s'agiter, j'avoue. Là. Non, t'es pas en train de chercher après des. Voilà, je suis sur Spunk, j'ai plus qu'à cliquer sur le lien que t'as mis. Ouais, il n'y a plus qu'à. Ah, bah, ouais, super. Hein. C'est beau. Et donc, il y a un jury. C'est qui le jury? C'est des gens connus? C'est des vedettes? Oui. Allez, dis-le. Enfin, en Belgique, je l'ai connu. Tu connais le groupe The Definitivos? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est le. Je les ai vus en 1983. Ah oui, à tourner. C'est le chanteur. C'est notre ami Lucien. Okay. Et puis, c'est quelqu'un d'une autre groupe, Next. Ok, ouais. C'est des vieux. C'est des vieux qui ont commencé un groupe il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas trop longtemps. Oui, c'est oui, ça. Oui, oui, oui. Enfin, je dis des vieux parce que moi, je suis vieux, donc je peux le dire. Et le dernier, c'est le chanteur de Juice Unwanted Tattoo. Ok. Ah ouais, c'est ils ne sont que 3 dans le jury. Oui. Ouais. Mais aussi, il y a une prix de la publique. Donc le public peut voter. C'est comment, c'est aux applaudissements? Il y a un applaudimètre? Non, c'est avec des bracelets qu'on peut mettre dans des bois. Ah, c'est sérieux? Ah oui, hein. Oui, oui, donc le groupe, on fait 2 prix. Hein. Et on peut payer pour soutenir de manière illégale certains groupes? Oui. Je dis ça. Nous, on peut payer en bière. On pourra pas vous donner d'argent. Par contre, des bières, on peut. C'est comme vous voulez. Oui, si on trouve les bracelets, tout est possible. D'accord. Ok. Ah ouais. Donc, c'est des bracelets spéciaux. Oui. Ouais. Ils sont illustrés. Enfin, ils sont imprimés Rat Rock et tout ça. Quoi. C'est ça. Oui, ouais. Oui. Ok. Ça va. Et donc, ça a pris longtemps pour trouver ces groupes-là. Oui, il me semblait qu'il y en avait plus que ça. Il me semblait qu'il y en avait 8 groupes au départ qui étaient prévus. Non, c'est pas ça. Non, seulement 6. Seulement 6. Non, mais on a lancé ça pour des groupes qui peuvent s'inscrire. Hein? Et on a vite trouvé les 6 groupes. On a dû dire non aux autres groupes aussi. C'était premier arrivé, premier servi. Ouais. Ah, Et ouais, voilà, comme ça, ceux-là, c'était ceux qui étaient les plus en demande. Bah, c'est bien. On va pouvoir passer un titre de le truc que j'ai trouvé, là, c'est Seal Slayer. Seal Slayer, t'en as trouvé deux. Ouais, même j'en ai deux. Celui qui est en live, je crois, c'est, il s'appelle Brandt, okay. Brandt, je crois. C'est ça. Que on va pouvoir écouter maintenant. Il me semble que c'est un groupe de gants. Et vous allez pouvoir entendre, c'est de l'alternatif, mais c'est pas tout à fait du punk quand même. Et ils vont passer ce samedi au Rat Rock. Merde, c'est quoi des... Seal Slayer. Voilà, vous écoutez Pyongyang City Rockers, numéro 405, avec à mes côtés Liven et Mina, qui sont venus pour faire un petit tour de la question du Rat Rock Festival numéro 23. On m'a demandé de répéter la date, parce que je dis c'est samedi 20 septembre 2025, à partir de 14h au Stadspark de Harelbeek. J'ai bon ? Oui, c'est bon, très bon. Voilà. Écoutez, après, il y a plein d'autres choses. On pourrait revenir sur l'historique de ce festival, parce que donc là, vous revenez à vos origines, c'est-à-dire de faire une partie avec des groupes un peu connus, et puis une autre partie avec un concours, un stage contest, un crochet. Je sais pas si on dit vraiment ça, mais il me semble que c'est un crochet en français. Un tremplin ? À l'ancienne. Un tremplin, peut-être, ouais. J'ai entendu ce terme, ouais. Ouais, un tremplin, voilà, c'est ça. Ouais, et comme ça, quand ils atterrissent, bam, ils sont sur la scène. C'est ça. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Alors, il y a eu plusieurs époques dans l'histoire du rat rock, ou alors, enfin, comment ça s'est passé? Ce que je veux avoir, c'est des noms de groupes vachement connus qui sont passés par chez vous. Et je sais qu'il y en a, mais je vais vous laisser vous souvenir. En fait, le début, c'était quelque chose avec deux copains. C'était moi et Frédéric qui ont dit, il n'y a rien dans la région de Harelbeek. Le samedi soir, c'est la kermesse, mais il n'y a rien au niveau de musique. On va commencer nous-mêmes avec quelques groupes. Et c'était 2003, on a commencé, et c'était directement la réaction, on doit continuer avec ça. Il y avait du monde déjà qui était venu. La première fois, je pense, 400 personnes, mais, ah oui, quand même. Mais c'était totalement plus qu'on a espéré. Mais on a dit, on va continuer avec tout ça. Et là, donc l'histoire vient de ça. Et après quelques années, on a suivi le procès de punk, de new wave. Ouais. Et puis bon, c'est les musiques que vous aimez. Donc moi, c'est un truc que je remarque, c'est qu'au hard rock, il y a toujours une grande variété, quoi. Cette année, donc, par exemple, Rose of Avalanche, c'est un groupe plutôt goth, on va dire. Goth rock. Ouais. Alors qu'à côté, il y a Varrockers, bon, c'est du UK 2, bim boum bim boum. Voilà, quoi. Et puis Kids, c'est les grands anciens. Et donc, à chaque fois, on parlait hors antenne tout à l'heure de Putain Club, qui ont vraiment tout cassé l'année dernière, sous le petit chapiteau, là. C'était. Enfin, ils avaient joué au milieu du public, ça avait vraiment été bien. Et donc, ouais, vous faites toujours. Vous mettez un point d'honneur à toujours mettre des choses très diverses. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on veut toujours arriver. Pour qu'il n'y a pas de nom que c'est Ratrock, c'est punk. Pas dire que Ratrock c'est new wave. Pas dire que Ratrock c'est de musique noire. Il y en a de. C'est à découvrir chez Ratrock. D'accord. Et ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que ça se passe pendant une fête, la fête de la ville. Oui, oui. Et ça ramène aussi du monde, ou alors ça vous empêche, je sais pas, comment ça s'articule? Ouais, en fait que. Parce que quand on arrive, en fait, on peut pas circuler, on doit se garer dans un coin, oui. Et puis il y a plusieurs rues qui sont barrées à la circulation parce qu'il y a une fête de la ville où les gens se baladent au milieu de la chaussée, quoi, voilà. Oui, là, dans la fête de la ville même, tous nos spectateurs sont connus. Donc, ouais. Ouais. On les remarque, ouais. C'est toujours talk of the town. Les gens de Ratrock sont de nouveau là. Ok, et ça se passe bien, ou alors il n'y a pas de problème, bien, ouais. Avec aussi la mairie, le bourgmestre de Harelbeek vous voit d'un œil favorable ou pas? Oui. On peut dire que au niveau communal, que tout est bien organisé. Ok. Ouais. Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir l'appui. Parce que, par exemple, ici à Lille, ce qui est une grande ville en France, on ne peut pas en dire autant des gens qui font des concerts ou qui essayent de mettre en place des festivals, même petits. La mairie a envie de faire les choses comme elle veut, et on n'est pas forcément bienvenu, toujours. Enfin, voilà. Ça dépend des jours. Voilà. Il y a d'autres communes autour de Lille qui sont un peu plus accueillantes. Donc ça, c'est bien. Mais bref, revenons au Ratrock et à Harelbeek. On repasse encore un titre ou pas? Parce que là, bah, si il est 35, les gars. Vous êtes sur Campus 106,6. C'est Pyongyang City Rockers numéro 405. Et puis, qu'est-ce qu'on va passer maintenant? Je sais pas, parce que c'est à toi de me dire. Tu veux quoi, The Barrockers? Allez, ah oui, tiens, bah, ouais, Varrockers, parce que quand même, j'ai été élevé là-dedans. Et le titre, bah, par contre, c'est Bullets, Bombs and Bodies. Voilà. Et c'est bien parce qu'en plus de ça, le chanteur, son surnom, c'est Rat, et il sera au Ratrock. T'as vu? Oui, ça rentre. Il était l'année dernière, c'était aussi lui, hein, avec. Avec The Vile. Il a beaucoup de. C'est vrai, ouais. J'avais oublié. Mais je pense que j'étais parti avant. Je sais plus pourquoi. Ouais, j'étais fatigué, je pense. Donc c'est bon, on pourra le voir cette année. Donc Varrockers sur Campus pour le Ratrock numéro 23. Ce qui sera samedi. C'est déjà fini, dis donc. J'aurais pu sélectionner des trucs plus courts, hein. Plus longs, je veux dire. Vous écoutez PCR, vous êtes sur Radio Campus Lille, RCL, même si on est à côté de Lille, c'est RCL, on est ensemble jusqu'à 21h avec Mina et Liven du Rat Rock Festival Harelbeck qui aura lieu ce samedi, qui arrive à partir de 14h à Harelbeck. Il a fallu que je retrouve moi-même le site web du Rat Rock, ratrock.be. Vous pouvez aller voir, parce que non seulement il y a l'affiche de cette année, plus explication de comment ça se passe, etc. Mais il y a aussi toute l'histoire, toute l'historique avec plein de belles photos depuis 23 ans donc. Et on retrouve quand même, il y a quand même du monde qui est passé sur votre scène. Mm-hmm. InfraRiot, ouais. Anti-Nowhere League. The Exploited. Ah, Exploited, c'était en quelle année ça? 2009. D'accord. Moi, je ne sais pas. Et en 2002, il y avait aussi Scraps, tiens, dis donc. Comme quoi, des fois, il y a des Français qui y vont, comme cette année, Bisounours Soccer. Vous avez d'autres choses à raconter? Est-ce que vous avez des anecdotes? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans les backstage? Tu me disais des trucs, là, tout à l'heure, Livan. Ouais, là. C'est pas du backstage, mais fait que. On raconte toujours, c'est un des spectateurs qui est venu avec... il y a 10 ans, on avait un camping aussi. Un camping avec des caravanes, des tentes. Et c'était un Hollandais qui est venu sur le camping avec sa caravane. Et le lendemain, donc le samedi... Le dimanche matin, on a... On verra un grand feu et notre ami spectateur a mis sa caravane en feu. Il n'a pas pris de retour à Hollande. Il ne voulait pas le prendre en allant, donc il a décidé de l'allumer. C'était pas une magouille avec les assurances Mais les Néerlandais sont bizarres. On l'a vu entrer avec sa caravane et on a dit... Pas de retour pour la caravane. Bon, bah c'est tout alors. Il aurait pu la donner à quelqu'un, je sais pas quoi. C'était l'année où il y avait Casualties et Vice Squad et Fionnoldas. Oui. D'accord. Comme quoi, vous avez quand même du monde qui passe dans ce festival. Vous avez déjà prévu quelque chose pour l'année prochaine ou pas? 2026, Rat Rock numéro 24. Vous avez déjà prévu des têtes d'affiche? Pas tellement. La question piège. Ouais. On a des idées, mais... On doit regarder en parent. Pour l'instant, c'est secret. Ouais. Non, pour le finance. D'accord. OK. Mais on a toujours des idées. Il y en a des groupes qu'on a toujours voulu, mais qui ne sont pas passés chez nous. Donc, on a notre liste, hein, des groupes qu'on veut encore. On peut la trouver quelque part, cette liste? C'est dans notre tête. Dans ta tête, ouais. D'accord. On va encore repasser de la musique hein, maintenant. On est parti. Puis après, on repassera encore quelques titres qu'on a rapportés. Ça marche, cher ami. qu'est-ce que tu nous concoctes, Célia? Parce que là, je reprends. Rose of Avalanche. Ouais. Alors, justement, on parlait de goth rock tout à l'heure. C'est un groupe qui a commencé en 85, je crois. Eux, ils n'ont jamais arrêté, il me semble, Rose of Avalanche. Non, il me semble que non. Donc, on pourra les voir vraiment plutôt tard dans la soirée, samedi. C'est ça? Tu as le running order? 19h. Ah, ça va, c'est pas trop tard. Je serai encore vaillant pour les voir. Le titre c'est Stick in the Works. Ouais, Stick in the Works. C'est vraiment un truc de leur premier album, je crois. Voilà. Rose of Avalanche. Et celui-là, il dure longtemps. Don't follow in on self-defense. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The Rose of Avalanche, qui se passera à 19h au Ratrock, numéro 23. Alors, Holbeck, ce samedi qui arrive, eh bien, on répète donc, pour aller à Holbeck, quand on vient de France, eh ben, on va vers Courtrai, et puis après ça, on cherche un panneau. Il faut sortir à quelle sortie d'autoroute? Tiens, c'est quoi? C'est Courtrai. Il me semble que c'est la même sortie que pour aller au Pit. Non, au Pit, oui. Ouais, c'est la même sortie, mais après on cherche un panneau à Holbeck. Non, je pense que c'est numéro mieux. Numéro 4. Sortie numéro 4, voilà. Venons d'ici, oui. D'accord. C'est le E17. Donc de toute façon, il y a des flèches, il y a un fléchage un petit peu pour aller vers le festival ou pas? Oui, c'est... Le mieux, c'est de venir avec le train, c'est tout près de la gare. Ouais. Notre train, c'est tout près de la gare. D'accord, donc vous cherchez la gare de Holbeck et vous... Oui, il y a des flèches là-bas, mais je ne sais pas quelle sortie on doit prendre. Okay. C'est le Courtrai. Courtrai-Est, Est. Ouais. Et puis, je pense, oui. Et puis, il doit tourner et prendre Harbik. D'accord. Et donc, sinon, on peut aussi aller en train. Il y a un train qui arrive là. Mais par contre, les derniers trains, on ne sait pas. C'est très tôt. Oui. Ouais, voilà. Bon, donc, il vaut mieux aller en voiture. Donc, c'est le Ratrock, numéro 23. Donc, juste en face de la gare. Enfin, à côté de la gare, pas loin. Voilà, on s'y retrouvera très certainement ce samedi avec plein de gens. Et puis je répète les groupes qui vont passer. Si j'arrive à les retrouver, hop, ça y est, je suis en train de regarder sur mon ordinateur. Alors, c'est Kids, Varrockers, Rose of Avalanche, Joey's Unwanted Tattoo. Et puis pour le tremplin, il y aura Seal Slayer, Super 8 degrés, Nicky Revolt, Bisnours Fucker, Practical Joke et Super Dragon Punch. Tout cela pour la modique somme de 0€. C'est gratuit. Oui. Ouais. Eh bien, merci de tous ces efforts qui nous permettent d'écouter de la bonne musique tout en buvant de la bière, pas trop chère en plus, j'avais noté. C'est vrai. Les prix sont bons. Merci Mina, merci Liven, et puis longue vie au Ratrock. Encore au moins 23 autres éditions dans le futur. On va se contenter de celle de samedi qui arrive. Et puis on va écouter dès maintenant justement le dernier groupe que j'ai annoncé, la Super Dragon Punch. Attention, j'avais marqué que c'est du synthpunk indus, mais en fait c'est carrément de l'EBM, hein, les gars. Ouais, trop bien. Et donc le titre qu'on va écouter maintenant, c'est Gloom. Allez, vite, il nous reste encore qu'à 5 minutes allez, pour passer le truc. Ouais. Donc j'ai vu que vous n'avez pas passé de moulant depuis au moins un an. C'est dégueulasse. C'est grave. Ce qui me paraît assez grave comme symptôme. Mais je viens pour remédier à cette perte de goût. Alors on pense que ce qu'on veut du dernier LP de Muro Nuevo Dogma, c'est que tout le monde n'est pas fan, en tout cas dans mon cercle plus proche. Je trouve perso que c'est un très bon disque de Metal Punks, ça bouge ap. Mais en effet, c'est pas facile d'égaliser avec la dinguerie qui était le LP de 2020 Pacificar qui s'ouvre sur ma piste préférée de Muro. Muro, comme j'aime le dire. Parce qu'on a cru que le pro. Enfin, en tout cas, moi j'y ai cru malheureusement que le progrès ça voulait dire autre chose que des drones et de la reconnaissance faciale pour plus de répression. On écoute tout de suite Fantasia del Progresso de Muro. Tu es naïf. Malheureusement. Écoutez, Pure Galaxy Rockers pendant encore quelques secondes. Nous étions aujourd'hui avec Mina et Liven du Rat Rock Festival. On vous invite chaudement à y aller. C'est à Harelbeke. Harelbeke Stadspark. Voilà, au parc de la ville de Harelbeke. Bon, je le dis en français. C'est samedi à partir de 14h. Voilà, Harelbeke, c'est juste derrière Contrée. C'est pas difficile. On se quitte dans quelques secondes. J'ai loupé le 44, hein, tu parlais. Hein, quoi ? J'ai loupé le 44, tu parlais. C'est pas grave, tu peux lancer en fond quand même musical. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 406 de Pyongyang City Rockers. Tout va bien ? Je sais plus si on aura des invités ou pas. Mais bon, on verra, peut-être il y en aura d'ici là. Merci encore une fois à nos invités, Mina, Livan, merci. Merci à vous. Merci d'être venu. Et puis on n'oublie pas. Ah. Et c'est là, quoi qui passe ? Yves. Et c'est. Il fait une critique acerbe de UK. De l'UK. D'accord. United Kingdom. New England. New England, le titre, ouais. I was your father, I was your brother, little sister and your mother. Yeah, I hope they're keeping well in this crazy world. Yeah, full town army, country as well. New England, on United Kingdom. Scratch card win, yeah, we think we're bloody quizzing. Alright mate, now calm it down. Heads or tails flip, £1. Boy, this is New England. They don't give a fuck about us. Destruct on a Monday morning. This little baggie should come with a warning. All the press yeah, we're taking happy pills. Drop your change, get your kids happy meals. Yeah, we like to keep a smile on our kids' faces. They don't need to know that we've spent all our wages. Keep their dreams and their hopes alive. This is New England, dry your eyes and don't cry. It's a bank holiday, woke up, proper hungover. Been about 30 minutes since I was sober. Have you got a lighter? Can I nick a roller? Hold on, hold on, think I'm gonna throw up? Yeah, sick in the face of the government. Oi, sick in the face of...